Donc samedi 3 mars, et plusieurs games NBA. Donc la probabilité d'avoir tous les games dans le bon ordre, c'était quasiment la probabilité que les Lakers y fassent les playoffs là. Donc inférieur à 5%, je crois. Donc Pistons, Cleveland. Donc victoire des Pistons sur le parquet Cleveland. De toute façon, c'est Cleveland ni tanké. Et on retient niveau côté Pistons, un bon match de Reggie Jackson, 24 points à 9 sur 11. Orlando aux Pacers. Donc victoire d'Orlando sur le terrain des Pacers, sur le parquet. Et Evan Fournier, il est dans une bonne période actuellement parce qu'il est, il fait en moyenne, il a 15, 3,14. Après, il faut retenir que Tyros, il a été bon. Ils ont été bons dans le quatrième quart-temps également. Donc, du côté des Pacers, ils étaient pas bons du tout. Mais ils préfèrent mettre la faute sur les arbitres, apparemment. Persuadés que les arbitres, ils font des paris sportifs. Donc, c'est pour ça que les Pacers, ils perdent. Et une stat intéressante, si on prend tous les défenseurs, donc tout ce qui dit steals et blocks, et on fait la soustraction des personal fouls. Donc on a dans l'ordre les 4 meilleurs défenseurs de la NBA, dont Miles Turner, celui des Pacers là. Donc on va Anthony Davis, il a plus 77, Miles Turner, il a plus 50, Kawhi Leonard, plus 38, et Lopez, celui de Milwaukee Bucks, il a 29. Ce qui donne le niveau de Miles Turner et il s'explique pas du tout pourquoi les Pacers sont aussi nuls que ça en défense. Donc on a les Nets, ils ont perdu sur le parquet du Miami Heat. Donc les Nets, c'est un peu le paradoxe actuellement parce qu'ils ont récupéré Caris LeVert et Spencer Dinwiddie, mais ils continuent à perdre. Donc pour les fans des Nets, le coupable c'est l'entraîneur Kenny Atkinson parce qu'il fait jouer, il fait trop jouer Trevor Graham apparemment. Du côté du Heat, il y avait 36 assists. Donc bonne circulation de balles. Eric Spoelstra. Kelly Olynyk qui met 25-6. Warriors Sixers, donc victoire des Warriors sur le parquet des Sixers. Ça, on pouvait le voir venir. À noter le bon match des remplaçants hein, du bench des Warriors. Maintenant, du côté des Sixers, on met toujours la faute sur Brett Brown. Et après, il n'y avait pas joué à l'Embiid, donc fallait jouer Warriors. Memphis Grizzlies, Mavericks de Dallas. Donc, Memphis, ils gagnent sur le parquet de Dallas avec un Luka Doncic qui était évalué à moins 14, donc il n'a pas fait une grande soirée. Et si on a quelqu'un qui a bien voyagé, qui a bien digéré le trade, c'est Jonas Valanciunas, donc qui était super adroit hier soir à 8 sur 9 et il met un 20-10-4. Maintenant, Thunder Spurs. Sur le terrain des Spurs, les Spurs sont quasiment imbattables chez eux. Donc, Pau Gasol est parti. Buy out. Il est parti à Milwaukee Bucks. Donc, il faudra noter ça pour la suite que Milwaukee récupère encore Pau Gasol. Donc, ce qui serait non négligeable pour la suite. Et Thunder sans Paul George. Donc sans Paul George, Thunder, ça veut dire défaite. Du côté des Spurs, LaMarcus Aldridge il place son 27-10. Grand classique commence à Tim Duncan, LaMarcus Aldridge. Rudy Gay met 22 points en sortie de banc. Et Derrick White qui continue à faire du bon taf aux Spurs. 14-8-2. Donc voilà, victoire des Spurs. Alors, Pelicans Nuggets. Faut se rappeler que là, les Nuggets, ils se voyaient déjà en haut de son premier de la conf à l'ouest. Ils se voyaient déjà champions NBA. Mais je pense qu'ils vont refaire le record qu'ils détiennent. Je me rappelle plus, c'était il y a 20 ans. Ils avaient fini champion à l'ouest et s'étaient fait sortir au first round. C'était la première fois que ça arrivait à l'époque. Et ils sont partis pour faire la même chose là. Parce que du côté des Pelicans, il y a Julius Randle, il met 28-10-4. Et Jrue Holiday, toujours très très bon. Il revient hein, dans ses standards à l'époque où il jouait à New Orleans. Là, il a 21-5-8. Du côté des Nuggets, apparemment, le coupable. Le coupable donc de la défaite au Jazz dernièrement. Et c'est Isaiah Thomas. Apparemment, c'est lui qui fait n'importe quoi, qui dérègle toute l'attaque des Nuggets. Et surtout, ils n'arrivent pas à prendre les open threes. Lakers Suns. Donc, comme d'hab, les Lakers ont perdu à l'extérieur sur le parquet des Suns. Et je reviendrai là-dessus vite fait. Là, on finit avec Bucks Jazz. Donc, bon, du coup, les Bucks ont perdu à l'extérieur. Mais on sait que le Jazz, ils sont super bons. Ils ont battu les Denver Nuggets récemment, là. Avec un Donovan Mitchell, il met 46 points, donc record en carrière. Et un Derrick Favors qui avait bien défendu sur Nikola Jokic contre les Denver la dernière fois. Et surtout, il revient d'un déficit de moins 17 points. Voilà. Donc, je reviens sur Lakers-Suns. Donc, faut retenir deux choses, c'est que aux Lakers, la probabilité de faire les playoffs, elle était proche de 0. Je crois que j'avais dit que c'était entre 0 et 5%. Maintenant, c'est qui le coupable pour les fans? C'est Luke Walton. Maintenant, du côté des Suns, DeAndre Ayton, si je dois rappeler, c'est le numéro 1 de la draft, mais 26-10, super match, et en plus de ça, c'est lui qui contient LeBron. Et je finis sur LeBron James, parce que j'ai toujours été un grand fan de LeBron James. J'ai plein de ses jerseys, plein de ses baskets. D'ailleurs, j'ai pris la LeBron 16 Atmos, là, Safari. LeBron, il faut savoir que pour la stats, je crois que c'est la troisième fois de sa carrière qu'il perd contre une équipe qui est à 0,190. Donc là, les Suns sont à 0,190. Donc c'est la pire équipe de la ligue. Et. La dernière fois qu'il avait perdu contre une équipe à ce niveau statistique, c'était contre les 0,194 Cavs, donc quand il jouait au Heat en 2011. Et en 2009, il avait perdu, pareil, 0,194 contre les Wizards. Donc LeBron, il est sorti là, il y a un mois de ça qu'il était en mode playoff, que s'ils allaient se qualifier pour les playoffs, il devrait passer contre lui et tout. Après, LeBron, je pense qu'il fait la cruelle découverte de la conférence Ouest. Je crois que ça fait 20 ans depuis les Knicks de 2000. La conférence S, elle a toujours été ultra faible depuis les années 2000. Et il pensait que LeBron James, toujours là, il a 67 points de Jordan, si je ne me trompe pas. Mais il sait qu'il n'arrivera pas aux 6 titres. Il n'arrivera pas aux 6 titres. Donc là, maintenant, je crois qu'inconsciemment, et avec le tournage du film Space Jam 2 qui doit commencer dès qu'il sera libre, donc apparemment ce sera mi-avril, là, inconsciemment, il sait que c'est fini avec les Lakers pour cette année. Pour plein de choses, pour le transfert avorté de Anthony Davis. Il croyait que c'était une équipe ultra compétitive, mais. S'est retrouvé avec des jeunes qui n'étaient pas le seul qui peut retirer dedans, c'est Brandon Ingram. Après le reste, les Lakers, ils n'étaient pas prêts. La conférence Ouest, c'était la jungle. Donc LeBron, c'est un peu étrange en fait. Hein. Ça fait, je le regarde depuis 2003, depuis qu'il a été drafté. Ben là, c'est fini pour lui cette saison.